tu sais, j'ai fait ce rêve de garder foi en mes convictions, de croire en l'évolution pour ne pas en payer l'addition. J'ai l'impression qu'avec le temps les mentalités s'égarent. Tes chants incarnent le mal, sourire aux lèvres, bec un cigare. Le chant des cigales est étouffé par le chant des ignares. On parle de ceux qui manquent d'eau en sirotant un ballon de pinard. Peinard sur ton canap, à tes mal, la misère du monde. Certains ont les poches trouées, d'autres claquent du pif dans le cul d'une blonde. Télé-réalité pour icône des billas. J'ai de la pitié pour ces chaînes qui exposent ces filas. C'est affolant, dans 50 ans les gamines de 8 piges seront des anges de la télé qu'on appellera enfants prodiges. On perd de nos valeurs, une vie humaine a un prix. On s'enterre dans notre malheur, oubliant ce qu'on nous a appris. On préfère aider la venue de son cancer que de son prochain. De notre cerveau on se sert seulement à la vue d'un vagin. On s'endort tous avec la peur de ne jamais se réveiller. Face à la tristesse et la peine, même la joie est effrayée. On partira tôt ou tard, tu sais j'en ai des frissons. Me dire qu'à chaque jour qui passe, nos cœurs battent à l'unisson. Levons nos yeux vers le ciel pour qu'il éclaire nos esprits. Face au Tout-Puissant, en hommage à ce qu'il nous a appris. Travaillons sur chacun de nous pour que la raison explose. Pour que l'espoir nous donne la force de pouvoir changer les choses. Je voulais le rendre amiral, on m'a dit petit, faut changer les choses. Perdu d'avance, c'était ma cause. Donc je vois la vie avec un Sharingan. Sans structure familiale, j'ai voulu faire des choses admirables. Mais la vie m'a rappelé que je ne valais pas plus que le dernier des minables. Regarde, nous en train de se plaindre de tout ce qui se passe dans nos vies. Tant que tu consommes, ça va, il faut que tu suives la locomotive. Moi je m'en remets à Hail Mary. Changer les choses, c'est le leitmotiv. On peut pas continuer, matin, peu de Tchernobyl. On est là à se regarder le nombril, à se prendre pour des stars. Aveuglés par des conneries, on n'en voit même plus les signes du destin. Un riche tape un festin, un pauvre reste sur le trottoir. En face, les temps changent. L'homme est un chien qui veut se regarder dans une glace. Alors nous on gratte, on s'investit pour faire changer les choses. À notre niveau, à petit dos, c'est pour ça que j'ai aiguisé ma pose. Et au sommet, on brandira le drapeau de Max Brod. Changeons ce monde un peu comme Bob, Michael Collins ou Malcolm. On s'endort tous avec la peur de ne jamais se réveiller. Face à la tristesse et la peine, même la joie est effrayée. On partira tôt ou tard, tu sais j'en ai des frissons. Me dire qu'à chaque jour qui passe, nos cœurs battent à l'unisson. Levons nos yeux vers le ciel pour qu'il éclaire nos esprits. Face au Tout-Puissant, en hommage à ce qu'il nous a appris. Travaillons sur chacun de nous pour que la raison explose. Pour que l'espoir nous donne la force de pouvoir changer les choses. Changeons notre façon de faire. Tu vois les choses, il faut les changer. Changeons pour l'avenir de nos petits frères. Sinon on sera tous en danger. Changeons pour l'avenir de nos petites sœurs. Tu vois les choses, il faut les changer. Changeons pour un avenir meilleur. Et de l'amour on va en grandir. On s'endort tous avec la peur de ne jamais se réveiller. Face à la tristesse et la peine, même la joie est effrayée. On partira tôt ou tard, tu sais j'en ai des frissons. Me dire qu'à chaque jour qui passe, nos cœurs battent à l'unisson.